Yo, l'amour et la vie, le jour ou la nuit, l'amour et la vie, c'est Fakir. Yo. Je ne prends pas le micro pour avoir plus d'estime. Je ne remplis pas mes feuilles pour promouvoir des crimes. Je voudrais simplement que ma vie rime avec l'amour, mais qu'elle ne soit pas un film débordant sur le glamour. J'affirme qu'entre les hauts et les bas, on ne s'y retrouve pas. Et quand on croit bien faire, alors on fait n'importe quoi. Jusqu'au jour où l'on trouve la personne tant attendue, à se demander pourquoi prétendait-on elle est venue. Et peu importe qui fera le premier pas, les premiers choix, pour une personne qu'on aime, on pourrait faire n'importe quoi. L'encre coulant sur le papier déborde mes sentiments, et comme il est tatoué sur mon ventre, l'amour et la vie simplement. Je n'essaie pas d'être le meilleur ou un exemple, j'ai seulement besoin de faire ce que bon me semble, t'entends? Maintenant ma petite ange doit rester la même. Parfois ça peut être étrange, à quel point on aime. Se préoccupant tellement de l'argent avant leur entourage, les gens oublient souvent que l'amour est la vraie page. Dans l'ouvrage de la vie, n'essaie pas d'aller trop vite. Le courage ne suffit pas pour éviter le dernier chapitre. Je n'ai sûrement pas la même façon d'être que tout le monde, mais pour avancer je me dirige vers un cœur et non une tombe. Car même si la vie est pleine de merde, restons ravis. Les ennuis ne veulent rien dire, l'amour est la vie. J'ai fait un rêve, celui de comparer ma vie au paradis, mais la vie dont j'ai rêvé n'est pas encore celle que je vis. Ainsi petit à petit je construis mon empire, et j'aurais fait du mieux possible si un jour mon avenir s'empire. Si mon empire se met à se détruire, je perds tout, plus de musique, plus de famille et plus d'amour. Mais ne parlons pas de malheur, la vie est belle, et malgré l'amour et ses rancœurs, je suis ravi d'elle. Poussé à faire des choix, nos sentiments s'en mêlent parfois. Quand c'est l'enfer une fois, ça sera le paradis mille fois. Ne pas baisser le regard, mais rester bien droit, oui. Peu importe l'espoir, l'amour est juste la vie. Ouais. L'amour est juste la vie. Eh. Hey. Ouais. Une vie, seulement une. Profitez de chacun des instants présents, présents. Vis chaque instant de ta vie comme si tu devais mourir demain, ouais. Eh. Hey. Fakir. J'ai passé tellement de temps, les yeux au ciel, à contempler la lune, voyant que le temps passe vite et qu'on n'a qu'une vie, seulement une. Alors à quoi bon vivre? Je me suis posé cette question. Peut-être pour l'amour, même les livres ne donnent pas la réponse. Seulement je ne suis pas un lâche et je suis heureux. Et pour tous les gens auxquels je m'attache, je reste avec eux. C'est pour ma famille, tous mes proches et mon amour. Les ennemis restent derrière, font leur tour, font leur tour, font leur tour. Je m'occupe pas des faux, pas de temps à perdre pour eux, mais seulement pour les miens et celles à qui je suis amoureux. Traçant mon chemin sans fin jusqu'à atteindre l'infini, partant de rien, j'avoue que c'est pas facile d'en faire sa vie. La musique ne m'aide pas vraiment, mais peu importe quand. Tu comprends que le temps passe vite et qu'on n'a qu'une vie seulement. Alors tu lèves les bras en te disant qu'il faut vivre, car ça se passe maintenant. Oui, l'amour et la vie. Le temps passe si vite et ne nous attend pas, alors j'emmerde le temps. Pas de temps à perdre, on n'a qu'une vie seulement. Et tant de personnes ne veulent rien entendre, alors j'emmerde ces gens. Il n'y a pas d'enfer, l'amour et la vie simplement. Le temps passe si vite et ne nous attend pas, alors j'emmerde le temps. Pas de temps à perdre, on n'a qu'une vie seulement. Et peu importe que ce soit le jour ou la nuit, ouvrons les portes du paradis, l'amour et la vie. C'est ainsi que je pourrais terminer l'histoire dans ce dernier chapitre. Pas de désespoir, c'est à nous tous notre heure de gloire. Le regard perçant l'enfer pour nous emmener au paradis. Séchons nos larmes car aujourd'hui l'amour et la vie affaiblis par le mal et le temps passant trop vite. Profitez de chacun des instants présents pour que la fierté s'invite, s'agite dans ce monde débordant d'inégalités. On n'a qu'une vie seulement et ça pour tout être de l'humanité. Le temps passe si vite et ne nous attend pas, alors j'emmerde le temps. Pas de temps à perdre, on n'a qu'une vie seulement. Et tant de personnes ne veulent rien entendre, alors j'emmerde ces gens. Il n'y a pas d'enfer, l'amour et la vie simplement. Le temps passe si vite et ne nous attend pas, alors j'emmerde le temps. Pas de temps à perdre, on n'a qu'une vie seulement. Et peu importe que ce soit le jour ou la nuit, ouvrons les portes du paradis, l'amour et la vie.